Vas-y, fais voir ton micro. Vas-y, passe-moi et que je déchire ça. J'suis dans ma logique, j'pense qu'ils m'envolent, qu'ils oublient. J'suis dans ma logique, j'refais l'histoire, j'ai perdu la mienne. J'suis dans ma logique, dans ma logique. Elle dit dans sa logique, passe-moi et que je déchire ça. J'suis dans ma logique, j'pense qu'ils m'envolent, qu'ils oublient. J'suis dans ma logique, j'refais l'histoire, j'ai perdu la mienne. J'suis dans ma logique. Dans ma logique, paraît qu'il faut que je mette de l'eau dans mon vin. Je bois plus d'alcool, passe ma coupe au pape Paul, rap malsain. Sans fidèle pour le pactole, rien que des gratteurs. L'histoire est en retard, je suis un destructeur de joints de patience. J'ai deux trois du même skate, si ça kiffe la sauce. Bouge bassin, stop minute quand je pose. Je me sers quand j'ai bien demandé, j'ai pas obtenu grand chose. Folie logique, je transvase l'espoir dans la zeb pour grande phase. Parler mal comme masse de mes gens en commerce qui tentent leur dernière chance. Comme un gros coup de latte aux couilles vu le désavantage. En plus on veut tous niquer avant l'âge, pas là pendant le partage. Donc calcule pas ce que j'ai quand je parle d'argent. Puisque tendre une joue, les engraines aller chercher l'autre. J'avance, tête baissée, skeg dressé. Fou comme ces hommes qui donnent à d'autres permission de tuer. Passe-moi et que je déchire ça. J'suis dans ma logique, j'pense qu'ils m'envolent, qu'ils oublient. J'suis dans ma logique, j'refais l'histoire, j'ai perdu la mienne. J'suis dans ma logique, dans ma logique. Elle dit dans sa logique, passe-moi et que je déchire ça. J'suis dans ma logique, j'pense qu'ils m'envolent, qu'ils oublient. J'suis dans ma logique, j'refais l'histoire, j'ai perdu la mienne. J'suis dans ma logique, dans ma logique. C'est FD qui phénomène au mic. La mère d'un nec, énième contact. J'dois faire flipper comme l'événement sans date. Fier récit de vie chaque fois que mon récit dit vrai. J'viens, j'prends l'argent de ceux qui y vagent. Fais pas genre c'est grave, guette les petits bras. Ce que j'oublie de vous prendre en douce. J'veux niquer l'année et l'autre sans la couper en douce. J'prends trop de style, c'est le pire que j'endosse. Comme ici tous rembourse. La vie devient simple, comme pas faire chez moi si peu farouche. J'imagine comme mes autres, ils ont déjà mis mon histoire en désordre. Propose de rentrer une fois qu'ils ont muré les portes. M'ont même laissé des clés. Pourquoi ils flippent du déclin de la sorte? Vaut ma rancune classique. Comme gratuite, comme fêter la musique en cassant des gueules. J'casse 6-7 beats, phénomène. Passe-moi et que j'déchire ça. J'suis dans ma logique, j'pense qu'ils m'envolent, qu'ils oublient. J'suis dans ma logique, j'refais l'histoire, j'ai perdu la mienne. J'suis dans ma logique, dans ma logique. Elle dit dans sa logique, passe-moi et que j'déchire ça. J'suis dans ma logique, j'pense qu'ils m'envolent, qu'ils oublient. J'suis dans ma logique, j'refais l'histoire, j'ai perdu la mienne. J'suis dans ma logique, dans ma logique. FD logique, ouais. D'après Mossi, plein un texte bourré d'émotions, des purs, des massifs. J'mande à DC's, foot à Libar, j'rimeur à gage, la cerise. Sur le téton, l'assurance sur le ghetto, tu piges. Pas mes propos faraminés, j'ai vu Pharaon minable. Quand j'ai ouvert le frigo, Momo a trop niqué le bise. Oh, ma noblesse dévalue, on dévalise. Oh, ma mère d'une drogue cabalaise, faut que j'rentabilise. Ouvrayeuse, dans une logique. J'ai l'agent spécial pour l'Afrique, on sort le grand jeu sans Munich. Logique, dans une logique. Logique, me revendique, dérangé parce que j'fais des trucs strictement pour mes raisons et pas les leurs. Bah oui. Un mal tiré sur ma gueule, il laisse la balle en l'air. Bah trop oui. Petit, il flippe pour mes poumons sans voir que j'ai mal au nerf. L'argent veut me cramer l'honneur, gratter ma life comme un courrier sans timbre. Dans cette jungle, fout assez déjà. Ma liberté se base sur leurs interdits. Passe-moi et que j'déchire ça. J'suis dans ma logique. J'pense qu'ils m'envolent, qu'ils oublient. J'suis dans ma logique. J'refais l'histoire, j'ai perdu la mienne. J'suis dans ma logique. Dans ma logique. Elle dit dans sa logique, passe-moi et que je déchire ça. J'suis dans ma logique, j'pense qu'ils m'envolent, qu'ils oublient. Dans ma logique, j'refais l'histoire, j'ai perdu la mienne. J'suis dans ma logique, dans ma logique, dans ma logique. Elle dit logique.